sommes en train d'élever ton nom, Seigneur, tu as élevé comme toi. En dessous de la terre et même sur la terre, il n'y a point de Dieu comme toi. C'est pourquoi nous t'élevons, nous t'adorons cet après-midi, car tu es digne. Tu es digne de notre adoration, Jésus. Alléluia. Chanter avec moi, comment? Seigneur, nous venons devant toi avec nos louanges, nous entrons dans ta présence de gloire. Nous venons contempler ta gloire. Seigneur, nous venons contempler ta gloire, ta puissance, ta splendide richesse pour t'adorer. Pour t'adorer. Encore une fois, Seigneur, nous venons devant toi. Seigneur, nous venons devant toi avec nos louanges, nous entrons dans ta présence de gloire. Nous venons contempler ta gloire. Seigneur, nous venons contempler ta gloire, ta puissance, ta splendide richesse pour t'adorer. Pour t'adorer. Seigneur, nous venons devant toi. Seigneur, nous venons devant toi avec nos louanges. Nous entrons dans ta présence de gloire. Nous venons contempler ta gloire. Nous venons contempler ta gloire, ta puissance, ta splendide richesse. Pour t'adorer. Pour t'adorer. Encore une fois, Seigneur, nous venons devant toi. Seigneur, nous venons devant toi. Avec nos louanges, nous entrons dans ta présence. Nous entrons dans ta présence. Nous entrons dans ta présence. Nous entrons dans ta présence de gloire. Nous venons contempler Seigneur, ta gloire. Nous venons contempler ta gloire, ta puissance, ta splendide richesse. Pour t'adorer. Seigneur, Règne, Seigneur, Règne, Seigneur, Règne, Seigneur, Nous avons besoin de toi, éternel Dieu, Dieu son puissant, Seigneur. Montre-toi, bénédiction, cet après-midi. Nous avons besoin d'expérimenter tes bontés dans nos vies. Nous avons besoin, bénédiction, Dieu, puissant de ton pouvoir encore une fois agir dans nos vies. Ah. Sainte Majesté, nous avons besoin de Jésus, toi. Nous avons besoin de toi. Au milieu de nous, Seigneur. Alléluia. Loyo libosunayo toligito mona bikamwanayo sala babeli babika ilimo babe nyoso epanzana domona kembonayo domona kembonayo yawe toyele lo libosunayo yawe toyele loyo libosunayo Tolingito mona, Tolingito mona, bika mwana yo. Salababeli babika, Salababeli babika, milimo babe, nyoso epanzana. Tomona ke mona yo, encore une fois, Yahweh toye lelo yo, Yahweh toye lelo yo, liboso na yo, Tolingito mona. j'aimerais chanter avec l'ensemble. Oh, Yaka Yahweh. Yaka Nabo Mwenanga. Chante plus que ton voisin. Yaka Yesu Nanga. Yaka Yesu. Yahweh. Tozana Posana Yoya. Seigneur, nous te proclamons dans ta toute puissance et ta sainte majesté. Seigneur, viens auprès de nous et libère l'ancien et que ta présence descend. Oh, Seigneur, nous te proclamons dans ta toute puissance et ta sainte majesté. Et que ta présence descend. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Seigneur, nous te proclamons. Dieu. Seigneur, nous te proclamons. Dans ta toute puissance. Dans ta toute puissance. Et ta sainte majesté. Sainte majesté. Seigneur, viens près de nous. Ta présence descend. Seigneur, nous te proclamons, Seigneur. Nous te proclamons. Descends avec ta puissance. Dans sa toute puissance. Et ta sainte majesté. De ta sainte majesté. Majesté. Seigneur, viens près de nous. Et que ta présence est ça. Yeah. et que ta présence descend, et que ta présence descend, libère l'onction, et que ta présence, et que ta présence. Tenir debout, Toto Moli Maboko, yes. Toto Moli Maboko, Darabashe, Ekamaye, Derebo, Sayabosa, Limite, Mana. Et quand la dame a eu beau sang C'est ta place, Seigneur. C'est ta place, Jéhovah. C'est ta place, Seigneur. Nous te la laissons. Nous te la laissons. Nous te la laissons. Nous te la laissons. Règne domine. Règne domine. Règne domine. Nous amenons tout passé. Comme tu vas te donner sens. C'est la moi qui est la moi qui est la déjà recevoir ta part au début. Tu peux déjà recevoir ta part au début. N'attends pas la fin. N'attends pas la fin. N'attends pas la fin. Tu peux déjà être rempli au début. Tu peux déjà être rempli au début. Rakobos. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Dieu. Merci pour ta toucher ce soir. Merci pour ta toucher ce soir. Oh, merci d'ôter les vêtements de deuil et de revêtir de celui de louange, Seigneur. Merci, Seigneur, de remplir ce vase. Et là-bas, là-bas, là-bas, là-bas. Ouais, c'est tellement fort, c'est tellement fort. C'est tellement fort, n'essaie pas de résister. N'essaie pas de résister. N'essaie pas, c'est tellement fort ce soir. C'est tellement fort ce soir. Ravoche. Et Karamayabos. Le Seigneur change l'atmosphère ce soir. Le Seigneur change l'atmosphère ce soir. Et Kamamayabos Sata. Ikamayabos Sete. Il renouvelle la force de quelqu'un. Il renouvelle la force ce soir. Il renouvelle la force ce soir. Tu ne parvenais plus à prier. Tu ne parvenais plus à prier. Oh, d'abord, chanté. Tu sens des paroles remplir ton cœur. Tu sens des paroles remplir ta bouche ce soir. Hey, Karamayevosa. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Oh, Karamayevosa. Oh, Karamayevosa. Tu balbutiais. Tu balbutiais, parle maintenant. Le Seigneur tenit ta langue. Il tenit ta langue ce soir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Quelle présence de Dieu en ce lieu. Quelle présence de Dieu en ce lieu. Quelle présence de Dieu en ce lieu. L'apôtre Pierre a dit, où irons-nous encore? Où irons-nous encore? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Alors que l'ennemi ne vient que pour voler, égorger, détruire, toi tu es venu répandre, donner ta vie et la donner en abondance. Tu es venu afin que le brebis ait la vie et que le lait en abondance. Seigneur, merci de communiquer la vie. Merci de répandre ta vie. Merci de répandre ta vie. Merci de répandre ta vie. Merci d'essuyer les larmes ce soir. Merci d'essuyer les larmes ce soir. Oh Seigneur, merci. Seigneur, ce culte, il est à toi. Nous savons une chose, tu ne partages pas ta gloire. Raison pour laquelle, Seigneur, avec cette conscience qui remplit nos cœurs, notre esprit, nous voulons remettre la gloire à toi et à toi seul. Seigneur, à toi et à toi seul. Il est écrit dans Apocalypse 4, 3, « Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre, de jaspe et de sardoine. » Et le trône, environné d'un arc-en-ciel, semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs. Et sur leurs têtes, des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes. Qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal au milieu du trône. Et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une lecture qui te montre, en fait, qui nous montre la décoration qui est au ciel. Combien est-ce que cette personne-là que Jean voyait, cet homme-là qui n'a pas su définir, était merveilleux. Combien est-ce que cet homme-là qui n'a pas su devenir, définir, était merveilleux. En fait, il s'agissait de celui qui est assis sur le trône, Jésus de Nazareth. Il ne pouvait pas le comprendre par la pensée humaine. Il ne pouvait pas recevoir cet auteur de sagesse par la pensée humaine. Il est en train de décrire ce qu'il a vu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est celui que nous sommes venus célébrer. C'est celui que nous sommes venus célébrer. La bonne nouvelle est que nous avons la grâce de nous joindre à cette équipe. Nous avons la grâce de nous joindre à cette équipe. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons célébrer Dieu. Personnellement, j'aime trop danser pour le Seigneur. C'est vrai, je ne suis pas très fort en danse. Mais j'aime quand je danse pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia. David qui était roi sur son trône, il a dansé pour Dieu. Amen. Alors nous allons danser pour Dieu, on peut y aller. Kombona Yesu, ele kinyoso. Kombona Yesu, ele kinyoso. Kombona Yesu, ele kinyoso. Kombona mbuya nyoso. Kombo yo e. Jésus, comme yo, comme comme comme comme comme comme Yesu Kombo na Yesu Ele kino nguya Kombo na Yesu Ele kimo kono Kombo na Yesu Kombo na nguya nyoso Naba kombo nyoso awana se Kombo ele kia spezalite Naba kombo nyoso awana se Na komba malade, na komba bokono, na komba banganga, na sena moye. Kompwele kia spezalite. Toyoka yoka bakombo, totanga tanga bakombo, na sena moye. Kompwele kia spezalite. Na bakombo nyoso, awana selelele. Kompwele kia spezalite. Komba tozo metela maboko. Mosusu te seya yese Bajone te mette monolo monolo Yeso yo abongi na kembo Oye makombo Kombo kitoko Tika na yembe na ye Na bakombo nyoso awana se Kombo ele kia spezalite Yemba yemba kombo yo e Tambola, tambola na Yesu longo. Pepe saka esengo. Je ne sais qu'on tambola, tambola na Yesu longo. Pepe saka esengo. Tambola, tambola, tambola. Ido, ido, ido. Peta monolo, monolo. Bilenga kotambola, tambola na Yesu longo. Pepe saka esengo. Je ne sais tambola, tambola na Yesu longo. Pepe saka esengo. Lelele tambola eh. Tambola eh. Tambola eh. Tambola na Yesu. Yesu eh. Tambola. Tambola eh. Tambola na Yesu. Pepe saka esengo. Tambola, tambola, tambola, tambola, Yesu, tambola, Yesu, tambola, tambola, Yesu, tambola, Likolo ya kufa, likolo bokono, likolo na nyoso, tongwa mana yo e. Tongwa mana, Yesu tongwa mana yo e. Zembe akojekeza yo, tongwa mana yo e. Tongwa mana, Yesu tongwa mana yo e. Nejere masezo eza yo, tongwa mana yo e. Tongwa mana, Yesu tongwa mana yo e. Nejere ma visitation eza yo, tongwa mana yo e. Tongwa mana. Alors, on le tout le Mama, na ko jeke elombe Yesu to bwa mana yo Yesu to bwa mana yo Yesu to bwa mana yo to bwa Yesu Abongina mololo mololo Abongina mololo Eh parola kama fute parola parola parola parola parola parola parola parola parola. Alors prends la position, prends la position quand tu veux, prends la position quand tu veux. Allez aux aïgués. Notre Dieu est digne d'être élevé. Notre Dieu est digne de vivre quelle. Pour le Seigneur, nous le faisons. Jésus. Il dit dans Ésaïe, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Bien aimé, est-ce qu'on peut élever nos voix et publier les louanges du Seigneur? Disons-lui quelque chose. Combien il est merveilleux. Combien il est grand. Combien il est bon, combien il est puissant, combien il n'a pas de semblable, combien il est sans pareil. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et reconnaître la divinité de Dieu? Sa divinité est devenue visible lorsque nous la considérons dans ses ouvrages. Et comme Mayama, c'était les bouches. Parle devant ton Seigneur. Parle devant le roi de gloire. Parle devant le Seigneur. Le voile a été déchiré. Seulement, ce ne sera plus le souverain sacrificateur qui entrera seul. Mais nous tous, nous sommes devenus des souverains sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Le voile est déchiré. Nous pouvons nous avancer. Nous pouvons nous avancer. Ramayama Shenterebosa. Anna Ramayama Shente. Et comme à Yabosa, tombe ma Yes. Tombe ma Jésus. Tota toli Yesu, obongi. Maloba motema, posopi. Liboso na yoye. Liboso na yoye. Loko la yo Yesu to monite to me ki kokanga to kokite liboso na yo liboso na yo to tatoli Yesu obongi maloba motema to sopi. Liboso na yo, andara bos. Liboso na yo, lokola yo Yesu to monite omeki ko kanga to ko kite liboso na yo liboso. On augmente plus d'intensité dans nos voix, on y va. Ce soir, nous allons inciter le Seigneur, nous t'élèvons plus haut des cieux, plus haut des cieux, plus haut des cieux, plus haut que nos soucis, plus haut que nos requêtes. Sois la priorité, Seigneur, sois la priorité, Jéhovah, sois la priorité éternelle. Totomboli, Maboko likolo, maboko likolo. Tondi miete, ozali nzambe. Tondi miete, Yesu e. Ozali nzambe. Ozinga mi na banje. Ozinga mi na banje likolo. Na banje likolo. Bayebi ozamosa. Bayebi ete. Le cantique est simple, on peut le faire avec l'église. Toto Moli, Maboko Likolo, Toni Miete, Ozali Nzambe, Oshingami, Nabanje Likolo. Baye biete, Oza Mosantu. Vous avez le chant, on peut le faire plus fort. Toto, Toto Moli, Maboko Likolo, Toni Miete, Oza Linzambe, Oji Ngami. Na banje likolo, oh baye miete, yoza mosantu, banje likolo, banje likolo, biso penase, doku misiye, doku misiyo Yesu, doku misiyo. On peut s'arrêter juste le clavier. Ozalizame, Ozalizame, Ojingami, Ojingami, Nabanjeliko, Nabanjeliko, Oyebiete, Bayebiete, Ozamosatu, Ozamosatu. Est-ce qu'on peut lever nos mains alors que le chant Totomboli Maboko, Totomboli. Maboko likolo, tondi miete, yonde, oza nizambe, yonde, kozi gami, nabanje likolo, baye miete, oza mosa. Osamosa, biso totomboli, totomboli, maboko likolo, biso tondi miete, yonde, ces chants peuvent remplir le temple. Kotomboli maboko. Kotomboli maboko. Kotomboli maboko. Kotomboli maboko. Kotomboli maboko. Kotomboli célèbre ton nom, ils élèvent ton nom, Dieu. Les anges autour de ton trône chantent ta sainteté. Ils déclarent, ils proclament, Seigneur, à chaque instant tu es saint. Nous amons saint, tout le monde. Nous amons saint. Oh, Totomboli. C'est beau. Maboko Nikolo, Toni Miete, Ozali Nzambe, Oshingami, Nabanjeli Kolo, Baye Miete, Baye Miete. Totomboli maboko nikolo, totatoli, totatoli o ya simbili kolona se. Yangwana totomboli maboko nikolo yes. Yangwana totomboli maboko nikolo. Totatoli o ya simbili kolo penase. L'église peut le chanter ce soir. Yangwana Totomboli. Yangwana Totomboli. ses alités. Est-ce qu'on peut offrir à Dieu un sacrifice d'acclamation? Tunaweza chapa makofi kwa Bwana. Tumchapie Bwana makofi. Est-ce qu'on peut très bien le faire? Tunaweza kumshangilia Bwana vizuri. Est-ce qu'on peut très bien le faire? Waweza kuchapa makofi mazuri. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Waweza kuchapa makofi kwa Bwana. Seigneur des seigneurs. Bwana wa mabwana. Le maître des temps et des circonstances. Yeye ni Bwana wa wakati na majira. Celui qui change les saisons. Anayebadilisha majira. Celui qui a toutes choses entre ses mains. Anaye yote mikononi mwake. Est-ce que nous pouvons très bien le faire? Waweza kuchapa makofi makubwa kwa Bwana. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Chapa vigelegele kwa Bwana. Vigelegele kwa Yesu. J'aimerais là où tu es un moment que tu dises à Dieu. Parle à mon cœur ce soir. Anza kuambia Mungu ongea na moyo wangu jioni ya leo. Est-ce que tu pouvais lui dire te parler encore ce soir? Waweza kuambia Mungu ongea na mimi jioni ya leo. Dis-lui, je veux que la parole ce soir me soit personnelle. Sema Bwana nahitaji neno liwe langu pekee. Lui, je ne suis pas venu d'abord pour le voisin. Sikuja kwa ajili ya jirani. Mais je suis venu d'abord pour moi. Nimekuja kwa ajili yangu. Et j'aimerais que tu me parles personnellement. Nataka uongee nami kwa upekee. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Waweza kuongea na Mungu. Nous avons besoin de toi. Toi qui t'aje. Nous avons besoin de toi. Tu na qui t'aje. Nous avons besoin de toi. Tu na qui t'aje, Bwana. Nous avons besoin de toi. Tu na qui t'aje. Nous voulons t'entendre nous parler ce soir. Toi tamani kukusikia ukiongea. Ce soir nous sommes venus assoiffés de toi. Tumekuja na kiu. Ce soir nous sommes venus affamés de toi. Jioni leo tumekuja na njaa. Nos cœurs ont soif. Mioyo yetu ina njaa. Nos cœurs ont soif. Mioyo yetu ina kiu. Nous désirons t'écouter nous parler. Toi itaje kukusikia ukiongea. Seigneur, merci pour ce soir. Bonne santé quoi Julia Johnny Aler. Merci pour ce soir. A santé quoi Johnny Aler. Combien nous avons besoin de toi. Tu n'as quittage quoi. Combien nous avons besoin de voir Jésus. Tu n'as quittage Jésus de quoi on est. Nous avons besoin de rencontrer Jésus. Toi itage kutana na Yesu. Je prie Seigneur que tu atteignes tes objectifs ce soir. Naomba utimize lengo lako. Je prie qu'il n'y ait rien ni personne. Naomba mtu ama kitu. Fera que nous ne puissions pas te rencontrer ce soir. Combien j'ai encore besoin de ta grâce pour transmettre parole. Je me recommande à toi. Je recommande mon interprète à toi. Sers-toi de nous comme de vases d'honneur entre tes mains. Merci. À santé. Ouvert. À santé. Merci pour les ciels ouverts. Asante kwa mbingu iliyofunguliwa. Merci de le faire pour nous. Asante kwa kuifanya kwetu. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Tunaweza ka? Je crois fermement que Dieu va nous faire du bien ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est heureux dans la présence de Dieu ce soir? Amen. Amen. Je n'aimerais pas commencer le message ce soir sans sincèrement dire merci à papa de nous avoir accordé de parler de la part du Seigneur. Est-ce qu'on peut honorer Dieu pour ce que papa est et pour ce qu'il fait? J'aimerais aussi dire merci à tout le comité de la jeunesse. Asante kwa kamati yote ya vijana. Et je crois fermement que Dieu va nous faire du bien. Naamini Mungu atatutendea mema. Amen. Amen. Le thème que Dieu m'a donné pour nous ce soir. Mada Mungu amenipa jioni ya leo. Je voulais vraiment parler d'autre chose. Ningelitamani kuongelea mambo mengine. Dieu m'a demandé d'insister sur ça. Lakini Bwana ameniomba nisisitize. J'aimerais parler de ce que la vie de Bartimée nous apprend sur les saisons. Nitaongelea kile ambacho maisha ya Bartolomayo yanatufunza kuhusu majira. Ce que la vie de Bartimée nous apprend sur les saisons. Yale ambayo maisha Bartolomayo inatufunza kuhusu majira. Jerusalem par la grâce de Dieu continue là où l'homme de Dieu s'est arrêté hier. Nitazidi kuanzia pale ambapo mtu wa Mungu aliachia jana. L'objectif de mon message ce soir. Lengo ya ujumbe wangu jioni ya leo. C'est l'objectif qui m'a été assigné. Ni lengo ambalo nimepewa. C'est de nous parler de certains obstacles liés à l'accès à une nouvelle saison. Ni kuwazungumzia vizuizo kwa kugusa kwa kufikia majira mapya. Ou à une visitation à ciel ouvert. Vizuizo ya kufanya kwamba tusifikie kutembelewa. Et nous allons essayer d'évaluer la vue de cet homme qu'on appelle Bartimée. Tutaona maisha ya Bartolomayo. Et je crois que Dieu nous fera du bien. Naamini ya kwamba Mungu atatutendea mema. Ce soir nous allons lire deux portions d'écriture. Tutasoma usome mbili. Deux portions d'écriture. Usome mbili. Matthieu chapitre 16, Matthieu 16, versets 17 à 19, 17 et 19. Matthieu 16, 17 à 19. Matthieu 16. Et puis nous prendrons notre passage de base. Na msingi, verse ingine ya msingi. Qui est Marc 10, 46 à 53. Marco 10, 46 adi 53. Marc 10, 46 à 53. Marco 10, 46 adi 53. Je reprends pour une bonne lecture. Nina Soma. Homme de Dieu, vous pouvez nous faire un tapis. Merci. Matthieu chapitre 16. Matthieu 16. Verset 17 à 19. 17 à 19. Et Marc 10, 46 à 53. Marco 10, 46 à 53. Matthieu 16. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jésus, reprenant la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et les sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Verset 19, il dit: je te donnerai les clés du royaume. Si la Bible que vous avez vous appartient, vous allez souligner les clés du royaume. Du royaume des cieux, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Marc 10, Marco 46 à 53. La parole de Dieu déclare: ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et s'est mis à crier: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Plusieurs le réprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et lui dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin, acclamant la parole du Seigneur. C'est que la vie de Bartimée nous apprend sur les saisons. La Bible nous dit: un jour Jésus est en train d'aller vers Jéricho. Yesu Jéricho. Et pendant qu'il est en chemin, njiani, il rencontre cet homme qu'on appelle Bartimée. Mtu waitae Bartolomayo. Bartimée parce que son père s'appelait Timée. Bartolomayo kwa sababu baba yake aliita Bartolomayo. Et la Bible nous dit: Bartimée était un aveugle. Bartolomayo alikuwa kipofu. J'aimerais avant de commencer nous dire qu'un aveugle c'est quelqu'un qui ne voit pas. Kipofu ni mtu un aveugle manque la vue. Kipofu ana macho. Il ne peut pas arriver à voir. Hawezi akaone. Bartimée était de ce genre de personne. Bartolomayo alikuwa aina ya watu kama wale. Un aveugle qui ne voyait pas. Alikuwa kipofu mtu asiona. Mais même s'il ne voyait pas, atakama alikuwa aone, il pouvait quand même entendre. Alikuwa amesikia. Et il s'est dit un moment, nakajiambia muda fulani, je n'ai pas commencé à pleurer sur ce que je n'ai pas. Si kuanza kulilia vile ambavyo sina. Mais je peux me servir de ce que j'ai pour même avoir ce que je n'ai pas. Naweza kutumikisha kile nilicho nacho ili kwamba nipate kile ambacho sina. La première leçon que Bartimée nous apprend, c'est somo ya kwanza ambao Bartolomayo anatufunza jioni leo. Dans la vie, c'est impossible de voir la valeur de ce que tu as en ayant le regard fixé sur ce que tu n'as pas. Maisha ni vigumu kuona samani ya yale ulionayo kama auone yale ambayo. Tu ne peux pas voir la valeur de ce que tu as en n'ayant que le regard fixé sur ce que tu n'as pas. Kama unatarajia zaidi kile ambacho hauna. Plusieurs personnes, frères et sœurs, ils n'arrivent pas à jouir de ce qu'ils ont. Ils n'arrivent pas à voir la valeur de ce qu'ils ont. Parce qu'ils ont tellement le regard fixé sur ce qu'ils n'ont. Et la première leçon que Bartimée nous apprend par rapport aux saisons, c'est que pour changer ta saison, Dieu n'aura pas besoin de ce que tu n'as pas. Il se servira de ce que tu as pour te donner même ce que tu n'as pas. Et plusieurs fois, lorsqu'on n'a que le regard fixé sur ce que nous l'avons, nous risquons de rater la saison de Dieu. Bartimée aveugle, il ne voit pas. Bartolomayo qui mais il se dit, je ne vais pas m'attarder à pleurer sur ce que je n'ai pas. Je n'ai pas la vision. Je n'ai pas la vue. Mais je peux quand même entendre. Je peux quand même entendre. Ça me rappelle un homme dans la Bible. Dans Jean chapitre 5. On le dit à la piscine de Bethesda. Il y avait plusieurs malades. La spécialité de cette piscine, c'était que tous les malades qu'on amenait, ils restaient à l'écart. Et il y a un ange de l'Éternel qui est arrivé. Il pouvait agiter l'eau. Et toutes les fois qu'il agitait l'eau, celui qui était jeté dans l'eau le premier, il arrivait à être guéri. Et ce jour-là, Jésus arrive à cette piscine. Il rencontre un homme. Un homme qui a fait beaucoup d'années là-bas. Et Jésus lui pose une simple question. Veux-tu être guéri? Mais écoutez ce que la personne est en train de dire. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Et Jésus pouvait s'étonner. Il dit, mais comment tu t'attends à quelqu'un alors que moi je suis déjà là? Jésus voulait lui dire, moi je suis la personne de ceux qui n'ont personne. Tu n'as personne pour te jeter dans l'eau. Mais moi je suis la personne de ceux qui n'ont personne. Mais il est attardé à ce qu'il n'a pas. Il ne voit pas le Christ qui est là à côté de lui. Une autre chose, il est en train de s'attendre au mouvement de l'eau. Et un ange arrive, il agite l'eau. Et toute le fois que l'eau est agitée, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Il dit, mais comment toi tu t'attends à ce que l'eau soit agitée? Alors que l'eau de vie est déjà là en mouvement. Parce que lorsque l'eau était agitée, il fallait localiser l'agitation de l'eau pour être jeté dans l'eau. Mais lorsque l'eau de vie entre en mouvement pour vous, c'est lui qui vous localise. Vous n'avez pas besoin de le localiser. C'est lui qui vous localise. Mais cette personne a presque raté sa visitation. Il a presque raté le changement de sa saison. Juste parce qu'il est attardé à ce qu'il n'a pas. Je n'ai personne. L'eau n'est pas encore agitée. Plusieurs fois, lorsque tu regardes ce que tu manques, tu ne peux pas arriver à voir la valeur de ce que tu as. Mais la bonne gestion de ce que tu as peut te donner même ce que tu manques. Bartimée s'est dit, je n'ai pas la vue. Mais je peux quand même entendre. Je peux quand même entendre. Et la bonne gestion de ce que j'ai pourra me donner même ce que je n'ai pas. Dans Matthieu chapitre 2, la Bible nous dit, après la naissance de Jésus, Jésus qui naît dans une crèche, là où personne de nous n'aurait voulu naître. Et je m'imagine des gens en train de pleurer. Dans cette crèche ici, nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons pas pu trouver du logis dans l'hôtel parce que nos moyens insuffisants. Nous n'avons pas tout l'argent dont nous avons besoin. Mais la Bible dit, après sa naissance, il y a le mage qui vient de l'Orient et ils sont venus avec l'or, l'encens et la myrrhe. Le problème n'est pas d'être dans une crèche. Le problème, est-ce qu'il y a la royauté en toi qui fera que l'argent vienne? Plusieurs fois nous pleurons. Non, moi je suis dans la crèche. Non, frère, le problème n'est pas d'être dans la crèche. S'il y a la royauté en toi, l'argent suivra la royauté. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tout ce que Dieu a élevé yote ne sont pas animo. Des gens qui sont venus de familles riches. Si watu waliotoka ndani ya jamaa za utajiri. Tout ce que Dieu a élevé wote ambao mko amenua. Ni pas des gens qui avaient des appuis derrière eux. Si watu ambao walikuwa na watu wa kuwasupport. Tout ce que Dieu a élevé wote ambao Mungu amenua. Ni pas des gens qui avaient tout le soutien dont vous avez besoin. Hawakuwa na msaada ya watu. Mais plusieurs fois mara nyingi nous n'arrivons pas à voir la valeur de ce que nous avons. Atuone thamani ya kile tulichonacho. Parce que nous nous attardons à pleurer sur ce que nous n'avons pas. Sababu tunaomboleza juu ya yale ambayo hatuna. Dieu m'a demandé de dire à quelqu'un ce soir. Bwana ameniambia niambie mpango leo. Chercher le travail, tu n'en trouves pas. Utatafuta kazi siku nyingi hautaipata. Parce que Dieu ne t'a pas créé qu'émander l'emploi. Mungu akukuumba ili kwamba uombe kazi. Mais il t'a créé donner de l'emploi. Amekuumba ili kwamba wewe upane makazi. Mais tu n'arriveras pas à voir cela. Hautaona hii, hautapata hiyo. Donc que tu as tes regards simplement fixés sur ce que tu as. Wakati macho yako yanatizamia yale ambayo hauna. Et la Bible nous dit, na Bible inasema, Bartimée entend de bruit autour Bartolomayo akasikia fujo. Et il demande à ceux qui étaient autour de lui. Na anauliza waliokuwa karibu naye. Qu'est-ce qui se passe? Kitu gani kinapitika? D'où vient ce bruit? Fujo hii inatokea wapi? Et les gens autour de lui lui disent, watu waliokuwa karibu naye wakamwambia, Jésus de Nazareth qui passe. Ni Yesu wa Nazareth anapita. C'est Jésus de Nazareth qui passe. Ni Yesu wa Nazareth anapita. Et la Bible dit commence à crier. Akaanza lalamika. Il dit Jésus fils de David. Yesu mwana wa Daudi. Aie pitié de moi. Ni rehemu. Jésus fils de David. Yesu mwana wa Daudi. Aie pitié de moi. Ni rehemu. Lorsqu'il a demandé qui c'était, on lui a dit que c'est Jésus de Nazareth qui passe. Mais lorsqu'il crie, il dit Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La révélation de Christ, est-ce qu'il te donnera de voir un fils de David là où les autres voient un fils de Nazareth? La révélation de Christ, est-ce qu'il te donnera de voir un fils de David là où les autres ne voient qu'un fils de Nazareth? Et la deuxième leçon que Bartimée nous apprend, c'est que pour accéder à une nouvelle saison avec Dieu, nous avons besoin, frères et sœurs, d'une révélation personnelle avec Dieu. Sans révélation avec Dieu, tu ne pourras jamais accéder à la nouvelle saison. Tu peux même rater la nouvelle saison juste parce qu'il te manque une révélation personnelle de Christ. On est en train de dire dans Matthieu chapitre 16, verset 13 à 16, un jour Jésus avec ses disciples, et il leur pose une question. Il leur dit, qui est-ce que les gens disent que je suis? Moi le fils de l'homme. Remarquez qu'il leur a demandé qui il était. En connaissant qui il était. Parce que c'est très dangereux de chercher une que les gens vous disent qui vous êtes sans vous connaître. C'est très dangereux de chercher votre définition de vous-même dans les autres sans vous connaître. Il dit, qui est-ce que les gens disent que je suis? Moi le fils de l'homme. Et les disciples répondent, les uns disent que tu es Élie, les autres Jérémie, les autres Jean-Baptiste, les autres l'un des prophètes. Ok. Alors, et pour vous alors, qui dites-vous que je suis? Frère, c'est possible de connaître le nom que les autres donnent à Jésus sans connaître Jésus. C'est possible d'avoir d'informations sur lui sans avoir sa révélation. Et c'est cela le problème de l'église aujourd'hui. Il y a beaucoup d'informations mais il y a peu de révélations. On a tellement entendu de choses sur lui mais on n'a pas de révélations personnelles avec lui. Il dit, c'est bon de savoir tous les noms que les autres lui donnent. Mais alors pour vous, qui est-ce qu'il est? Et Pierre se lève. Il dit, tu es Christ, le Fils de Dieu vivant. La révélation personnelle de Christ. Frères et sœurs, avez-vous une révélation personnelle de Christ? Pouvez-vous dire que vous connaissez Dieu par expérience? Sur base d'une expérience personnelle que vous avez avec lui. Je ne vous demande pas combien de choses vous avez entendues sur lui. Mais quelle est la révélation que vous avez de lui? Ça avait un homme, il s'appelle Lot. Dieu appelle Abraham. Il dit, quitte ta patrie, quitte ton pays et va dans le pays que je te montrerai. Et puis pendant qu'Abraham a écouté Dieu, il obéit à la voix de Dieu. Abraham alisikia Mungu na kati. Il part avec des gens. Akakwenda na watu. Et Lot est parmi les gens qui le suivent. Na Lutu ni moja miongoni mwao. Mais Lot, Lutu, suivait Abraham. Alimfuata Ibrahim. Lui n'avait jamais entendu Dieu. Alikuwa hajawahi kumsikia Mungu. Savez, il est très facile d'être un suiveur de Christ sans suivre Christ. Ni rahisi kufuata walio na Kristo pasipo kumfuata Kristo. Il est très facile d'être un suiveur de Christ sans suivre Christ. Ni rahisi kufuata wanaomfuata Kristo pasipo kufuata Kristo peke yake. Ce n'est pas mauvais de suivre ceux qui suivent Christ. Si vibaya kufuata wanaomfuata Kristo. Mais aussi longtemps où cela devient un obstacle pour vous à le suivre. Na kama hiyo inakuwa kizuizo kwa wewe kumfuata Kristo peke yake, inakuwa hatari kwako. Mais ce que j'aime avec Lot. Ninayopenda na Lot. Lot n'est pas resté à ses premiers niveaux. Lutu akubaki kwa ngazi la kwanza. Il suivait quelqu'un à qui Dieu avait parlé sans l'avoir entendu. Ambapo alimfuata mtu ambaye Mungu aliongea naye bila kumkuta. Mais il est arrivé aussi à bâtir sa propre expérience. Alifika kwa ngazi la kujenga urafiki pekee na Mungu. Qu'avez-vous comme expérience personnelle avec Dieu? Urafiki pekee gani na Mungu ulionayo? On dit à Bartimée. Wanamwambia Bartolomayo. Ça. C'est le Jésus de Nazareth qui passe. Ni Yesu wa Nazareth. Mais lui parce qu'il a une révélation personnelle de Dieu. Yeye sababu ana ufunuo pekee wa Mungu. Il dit Jésus fils de David. Akasema Yesu mwana wa Daudi ni rehemu. Et pendant qu'il est en train de crier, anapolalamika, la Bible dit ceux qui étaient autour de lui, Biblia nasema waliokuwa kando naye, il les reprenait pour le faire taire. Wakamnyamanzisha na kusema kimya. Il les reprenait pour le faire taire. Wakamkalisha kimya. Il disait mais tu déranges trop Jésus. Wakasema unasumbua sana. Tu importunes trop Jésus. Unasumbua Yesu. Quand même tu en fais trop. Unasumbua. Arrête-toi. Simama sasa. Mais la Bible me dit, Biblia nasema, plus on le reprenait, zaidi walimnyamanzisha, plus il criait encore davantage. Zaidi alilalamika. Parce qu'il a compris ceci. Dans la vie, mieux vaut que les gens te reprennent te disant que tu déranges trop Dieu. Heri watu wakunyamanzishe kuliko waseme unamsumbua Mungu. Au lieu que Dieu te reprenne te disant que tu déranges trop les hommes. Heri watu wakunyamanzishe wakisema unamsumbua Mungu kuliko watu Mungu wakunyamanzisha akisema unasumbua watu. Mieux vaut que les hommes te reprennent te disant que tu déranges trop Dieu. Heri watu wakunyamanzishe wakisema unasumbua Mungu. Au lieu que Dieu te reprenne te disant que tu déranges trop les hommes. Kuliko Mungu wakunyamanzisha akisema unasumbua watu. Plus on le reprenait. Zaidi walimnyamanzisha. Crie encore davantage. Plus il a persévéré. Il ne s'est pas laissé suivre par les obstacles qu'il rencontrait. On le reprend, mais il sait ce qu'il a commencé. Il crie encore davantage. La nouvelle saison de foi exige la persévérance. Persévérance. Un jour, on demande à quelqu'un. Persévérer veut dire quoi? Kudumu inamaanisha nini? Et dit persévérer simplement la combinaison de deux mots. Akasema kudumu inakuwa na maneno mawili. Perse et vous verrez. Inamaanisha ingia kinaganaga na utaona. Il a persévéré. Alidumu. Frères et sœurs, sans persévérance avec Dieu, nous risquons de rater certaines choses avec Dieu. Matthieu 7, 7, la Bible dit quoi? Demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Ce sont les trois niveaux de la prière. Le premier niveau, ngazi la kwanza, ce sont les prières des demandes. Ni maombi ya kuomba. Lorsque vous demandez, unapoomba, on vous donne au moment où vous demandez. Wanakupa wakati unaomba. Ça, ce sont les prières instantanées. Hii ni maombi ya ghafla. Vous priez, vous voyez les résultats. Unaomba na kuona matokeo. Vous avez demandé ceci à Dieu, il vous le donne au même uliomba moment. Uliomba Mungu hiki anakikupa. Mais deuxièmement, jambo la pili, il y a des prières frappées. Kuna maombi ya kupiga odi ili kwamba ufunguliwe. Lorsque vous frappez, unapopiga odi, on ne vous ouvre pas au même moment que vous avez frappé. Hawakufungulie wakati umepiga odi. Il faut qu'il y ait du temps. Inabidi pawe muda. Ce sont les prières qui exigent la patience de notre. Ni maombi ambayo inahitaji tuwe na uvumilivu. La patience. Uvumilivu. Mais troisièmement, jambo la tatu, chercher kutafuta. et vous trouverez. Na utapata. Le temps qu'on met en cherchant devient encore trop grand que le temps qu'on a mis en frappant ou en demandant. Ça sont le troisième sorte de prière qui exige de nous la persévérance. Et sa persévérance, il y a des choses que vous n'allez jamais vivre avec Dieu. Sans persévérance, vous risquez de rater la nouvelle saison avec Dieu. Nous étions en train d'aller à l'église avec un ami prophète les dimanches. Et puis il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, homme de Dieu, tu sais, deux fois la visitation de Dieu c'est compliqué. Parce que 5 minutes avant la visitation de Dieu, ça ne correspond pas toujours à ce que nous croyons que ça va être si comme si. C'est toujours la même chose. Tu te réveilles faisant le même chose. Le même routine. Et peut-être ce jour-là, tu t'es dit, ah, je suis tellement fatigué. Jusqu'à quand je vais continuer à mener cette vie? J'ai vu les autres évoluer. Sans s'attendre à ce que moi je suis en train d'attendre ici. Alors je peux prendre cette direction-là. Et tu ne sauras jamais ce que Dieu avait en réserve pour toi. Parce que tu n'as pas persévéré. D'autres personnes n'arrivent pas à persévérer à cause de ce que les gens leur disent, à cause de moqueries des gens. Mais j'aime cet homme Bartimée. On le reprend, mais il crie encore plus fort. Il crie encore plus fort. Jusqu'à un niveau, Jésus l'appelle. Et il vient. Les mêmes personnes qui le décourageaient commencent à lui dire, va, il t'appelle. Va, il t'appelle. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des gens qui t'encourageront que lorsqu'ils verront les fruits de ton propre encouragement. Que lorsqu'ils verront les fruits de ton propre encouragement. Tout le monde l'est découragé. Mais lorsqu'ils voient les résultats, ils disent, va, il t'appelle. Va, il t'appelle. Mais vous étiez là, mais découragé. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ce sont les genres de personnes qui te diront, lorsqu'ils voient les résultats, nous étions en train de prier pour toi. Nous étions vraiment en train de prier. Voilà pourquoi dans la vie, si vous savez que Dieu est avec vous, prenez à ne pas dépendre des encouragements des hommes. Lorsque tu sais que Dieu est avec toi, encourage-toi toi-même avant. Lorsque les hommes verront les résultats, ils vont alors t'encourager. Ça me rappelle un homme dans la Bible. Il s'appelle Josué. Dans le tout dernier chapitre de Deutéronome, chapitre 34, Moïse meurt. Et Dieu prend soin de parler de la mort de Moïse. On dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Mais dans le livre de Josué, Dieu vient. Il est en train de parler à Moïse, à Josué. Et il dit, Josué, au chapitre 1, verset 2, Moïse, mon serviteur, est mort. Moïse, mon serviteur, est mort. Comment parler de la mort de Moïse deux fois? On a parlé de la mort de Moïse dans les derniers chapitres de Deutéronome. C'était suffisant. Et pourquoi Dieu, tu me rappelles encore que Moïse est mort? La première fois lorsque Dieu parle de la mort de Moïse dans Deutéronome, Dieu voulait dire Moïse comme personnage physique est passé. Mais lorsque Dieu vient parler à Josué, il lui dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Ce n'était pas Moïse comme personne physique. C'était Moïse comme saison. Parce que c'est très dangereux d'avoir une saison Moïse dans le temps de Josué. Il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. La saison de Moïse est passée. C'est ta saison à toi, Joshua. Et puis il lui dit plusieurs fois, dans ce tout premier chapitre, fortifie-toi et prends courage. Si vous voulez comprendre l'impact de ce que Dieu est en train de lui dire, placez-vous dans la peau de Josué pendant ce temps. Vous savez, ce n'est pas facile de venir après un grand. Vous êtes là, mais les gens souhaitent que les grands reviennent. Ils vous voient, mais leurs yeux à l'intérieur, ça regarde les grands là. Moïse est mort. Mais tout le monde est en train de pleurer Moïse. Que Moïse revienne. Que Moïse continue la marche avec nous. Dieu dit à Josué, Josué, tu dois continuer la marche avec les enfants d'Israël. Mais Josué n'a les encouragements de personne. Parce que tout le monde est là en train de pleurer Moïse. En train de souhaiter que Moïse revienne. Et Dieu dit à Josué, tu n'as pas besoin des encouragements des hommes. Lorsque tu sais que je suis avec toi, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Parce qu'il y a des gens qui pourront t'encourager lorsqu'ils verront les fruits de ton propre encouragement. Alors, avec Dieu, apprends à te fortifier toi-même. T'appuyant sur Dieu et avance. Bartimée a persévéré. Bartolomeo alidumu. Et lorsque les gens voient le fruit, il encourage maintenant. Christ l'appelle. Christ il dit, viens. Mais lorsqu'il appelle Bartimée, Bartimée comprend que j'ai sur moi des choses qui peuvent me retarder la marche vers Jésus. J'ai sur moi le manteau, ce manteau dans lequel je place tout ce qu'on me donne comme amour. Si je cours avec ce manteau, ça va me retarder la marche vers Jésus. Et la Bible dit Bartimée, il jette le manteau et il va vers Jésus. Il jette les manteaux. La quatrième leçon que Bartimée nous apprend, c'est que nous devons savoir nous dépouiller de tout ce qui nous retarde de la marche vers notre visitation. Nous détourner ou mettre de côté tout ce qui nous retarde de la marche vers notre visitation. La première leçon, c'était que tu ne peux pas voir la valeur de ce que tu as en ayant les regards fixés que sur ce que tu n'as pas. Et nous avons vu que pour commencer une nouvelle saison dans ta vie, Dieu ne se servira pas de ce que tu n'as pas. Il se servira de ce que tu as. Pour deux fois même te donner ce que tu n'as pas. La deuxième leçon, c'était que toute visitation ou toute nouvelle saison exige une nouvelle révélation de Christ. La troisième leçon, c'était l'importance de la persévérance. Et la quatrième leçon, nous sommes en train de nous parler de nous détacher de tout ce qui nous retarde la marche vers nous. Frères et sœurs, avec Dieu, il n'y a pas à aller loin si vous n'êtes pas prêt à payer le prix qu'il faut payer. Le problème avec nous aujourd'hui, c'est quoi? Nous vivons dans une génération où on veut la grandeur. Mais on ne veut pas payer le prix qu'il faut payer pour y arriver. Chaque nouvelle saison a un prix à payer pour y arriver. Avec Dieu, il n'y a pas de hauteur sans hôtel. Chaque hauteur que vous verrez avec Dieu a toujours des hôtels que vous ne voyez pas. Lorsque vous voyez un homme venir auprès des gens, Et dire en public, si je suis un homme de Dieu, que le feu descend, et le feu descend. Sachez que derrière cet homme, il y a beaucoup d'hôtels. Il y a beaucoup de choses qu'il a abandonnées. Tu ne peux pas aller loin avec Dieu. Tu ne peux pas commencer une nouvelle saison avec Dieu. Tant que tu n'es pas prêt à te débarrasser de tout ce que tu retardes la marche. Quelles sont ces choses qui te retardent la marche avec Vitu gani vinachelewesha safari yako? Quelles sont même ces personnes qui te retardent la marche? Ni watu gani wanakuchelewesha katika safari yako? Un homme s'appelle Joseph dans la Bible. Joshua. Yusufu katika Biblia. Dieu appelle Joseph à devenir premier ministre. Mungu anamuita Yusufu kuwa waziri mkuu. Sa destinée c'est être premier ministre. Hatima yake ni kuwa waziri mkuu. Mais Joseph ne pouvait pas devenir premier ministre. Yusufu asingelikuwa waziri mkuu. Revêtir l'habit royal de premier ministre. Kuvaa hiyo vazi la ufalme. Sans d'abord perdre d'autres tuniques. Pasipo kupoteza kanzu zingine. La première tunique qu'il a perdue. Kazi ya kanzu ya kwanza aliyopoteza. C'est la tunique que son père lui avait faite. Ni kanzu ambayo baba yake alimpa. Il fallait qu'on le dépouille de cette tunique là et qu'on le ramène ça chez son père. Il ibiti wa vue hiyo kanzu aliyokuwa nayo na mbebe babaye. Il va en Égypte sans tunique. Mais kwenda Misri pasipo. Dans la maison de Potiphar, on lui donne une tunique de serviteur. Ya Potiphar wanampatia kanzu ya mtumishi. Mais il ne peut pas devenir premier ministre avec cette tunique là. Hawezi kuwa waziri mkuu na hiyo kanzu. Il fallait que cette tunique reste dans la maison de Potiphar. Il ibiti hiyo kanzu ibaki katika nyumba ya Potiphar. Il va en prison, on lui donne une tunique de prisonnier. Anaingia ndani ya jela wanamupa kanzu. Mais il ne peut pas devenir premier ministre avec cette tunique là. Hawezi kuwa waziri na hiyo kanzu. Il faut qu'il perde cette tunique. Il ibiti apoteze hiyo kanzu. Et qu'on lui donne alors la tunique de premier ministre. Na wamupe sasa kanzu ya waziri mkuu. Une nouvelle saison avec oui, Dieu. Oui, oui, mais tu ne veux pas perdre de tuniques. Lakini huwependi kupoteza makanzu fulani. Et beaucoup de fois on est là à prier. Mara nyingi tunaomba. Seigneur, la nouvelle saison. Bwana nipe majira mapya. J'ai besoin d'une nouvelle saison. Nahitaji majira mapya. Je te dis, débarrasse-toi encore de ça. Bwana anakuambia achilia mambo fulani. Débarrasse-toi encore de ça. Achilia mambo fulani. Abandonne cette personne là. Acha huyu mtu. Tu ne peux pas avoir ça avec ce que tu as. Huwezi kupata hiyo na kile ulichonacho. Tu es en train de prier que Dieu te donne le mariage. Ukonomba Mungu akupe ndoa. Mais tu es avec le papa d'autrui. Lakini wewe na masakoshi ya watu huko. Et on ne fait rien, il ne me donne que l'argent, on ne fait rien. Ananipaka tu pesa sifanye kitu. Il ne m'envoie que les mégas, on ne fait rien, il ne m'envoie que les mégas. Tu ma méga sifanyake kitu. Seigneur, le mariage, visite. Bwana nitembele na ndoa. Il va te dire non, non. Anakuambia hapana. Ma visitation à moi, ça ne se passe pas comme ça. Sitembele yake mtu mwenye kumbia hivi. Si tu veux que je recouvre ta vue. Si tu veux que je recouvre ta vue, ukipenda nifunike upya maisha yako. Bartimée, jette le manteau. Bartolomayo tupa hiyo koti. C'est manteau qui te retarde la marche. Hiyo koti ambayo inakuchelewesha. Il y a un homme dans la Bible, il s'appelle Élie. Mtu mmoja katika Biblia jina lake Elia. Dans 1 Roi chapitre 17. Wafalme wa kwanza 17. La Bible commence par nous dire. Biblia nasema. Élie, l'un des habitants de Galade. Elia mmoja wa wakaaji wa Galadi. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade. Élie mwana wa Tishbite. On ne nous parle pas de sa famille, on ne nous parle pas de là où il est venu. On n'entre pas en profondeur dans ses origines. Parce que dans la vie, le plus important n'est pas de là où tu viens, mais d'avec qui tu es. Et on dit Élie, serviteur de l'Éternel. Et Dieu vient le voir, il lui dit. Élie, tu as décrété qu'il n'y ait pas de pluie. Mais tu ne vivras pas les conséquences. Tu ne vas pas être épargné des conséquences. Alors je te dis, Élie. Va t'installer au torrent de Kerit. Wende kwa kijito cha Kerito. Et là au torrent de Kerit. Na uko kwenye kijito lile. Il dit, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Nimeamuru kibombo bombo kitakulisha. Mais toi, ta part à faire. Wewe. C'est de boire de l'eau du torrent. Utakunya maji ya kijito. Et Élie s'en va. Na Élie akakwenda. Et après un temps. Kisha. La Bible dit, le torrent a séché. Iyo kijito kika kauka. Et puis Dieu lui dit. Mungu akamwambia. Va à Sarepta. Wende pa Sarepta. Trois problèmes qu'Élie pouvait avoir. Shida tatu ambayo Élie alikuwa nayo. Le premier problème, C'est attendre que Dieu fasse sa part alors que lui n'a pas fait sa part. Attendre que Dieu le bénisse dans la désobéissance. Seigneur, tu m'as promis le corbeau pour me nourrir. Mais Dieu lui dit, mais tu n'es pas parti. Parce que la visitation de Dieu ne se trouve que dans la direction de Dieu. La provision de Dieu ne se trouve que dans la direction de Dieu. Premièrement, c'est attendre que Dieu envoie le corbeau pour te nourrir alors que tu n'es pas parti. Tu n'as pas quitté là où il t'a demandé de quitter. Deuxièmement, lorsqu'il va au torrent de Kérit, la Bible dit, Dieu lui a dit, j'enverrai le corbeau pour te nourrir. Mais ta part de responsabilité à faire, c'est de boire de l'eau du torrent. Le deuxième problème, c'est attendre que Dieu t'envoie l'eau alors qu'il t'a demandé de boire de l'eau du torrent. Dieu lui a dit qu'il va t'envoyer le corbeau. Mais toi, ta part à faire, c'est boire de l'eau. Et beaucoup d'Élie meurent de faim, meurent de soif. En se disant, Dieu a menti. Alors que tu n'es pas simplement arrivé à faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Je voudrais nous dire, pour une nouvelle saison, il y a toujours la part de responsabilité de Dieu, notre part. Le problème arrive lorsque nous attendons que Dieu fasse pour nous ce qu'il attend que nous faisions pour nous-mêmes. Et lorsqu'il arrive là-bas, la Bible dit, après un temps, le torrent a séché. Et lorsque le torrent sèche, j'aime ce qu'il fait. Il n'a pas commencé à pleurer sur la sécheresse du torrent. Parce qu'il n'était pas attaché au torrent. Mais il était attaché au Dieu qui lui avait envoyé au torrent. Vous savez, il y a une différence entre le torrent et la source. Le torrent dépend de quelque chose pour exister. Le torrent dépend de la source, soit de la pluie pour exister. Voilà pourquoi, parce qu'il n'y avait pas de pluie pendant un temps, le torrent a séché. Mais la source ne dépend de rien pour exister. Et notre Dieu à nous n'est pas un torrent, Dieu est une source. Donc Dieu ne dépend de rien pour être Dieu. Nous les hommes, nous dépendons des autres pour être ce que nous sommes. Pour venir, j'avais besoin de quelqu'un pour m'amener. Pour prêcher, nous avons besoin des amis qui sont à la technique. Mais Dieu est celui qui ne dépend de rien pour être ce qu'il est. C'est là, abandonnons ce genre de prière-là. Seigneur, si tu ne me donnes pas, je vais t'abandonner. Tu crois que si toi tu as abandonné Dieu, il y a des atomes et des molécules qui vont quitter Dieu parce que toi tu es parti. En fait, Dieu ne dépend pas de toi pour être ce qu'il est. Mais c'est toi qui dépends de lui pour être ce que tu es. Dieu se suffit en lui-même. Il est capable de produire ce dont tu as besoin pour être Dieu sans cesser d'être Dieu. Et Élie était attaché à Dieu. Il n'était pas attaché au torrent. Celui qui est attaché au torrent, il sèche avec la sécheresse du torrent. Celui qui est attaché au torrent sèche avec la sécheresse du torrent. Mais celui qui est attaché au Dieu qui l'a envoyé au torrent, même lorsque le torrent sèche, il y a un sarepta pour lui. Même lorsque le torrent sèche, il y a un sarepta. Le torrent a séché, mais Dieu lui dit, va à sarepta. N'attends pas une nouvelle saison, une nouvelle visitation. Tant que tu n'es pas prêt à abandonner tout ce qui te retarde la marche. Et lorsqu'il arrive auprès de Jésus, Jésus lui pose une question. C'est parmi les questions que l'homme de Dieu nous a données hier. Les grandes questions de la vie. Dieu lui pose une question. Il lui demande, que veux-tu que je te fasse? Écoutez sa réponse. Que je recouvre la vue. Que veux-tu que je te fasse? Que je recouvre la vue. Il demandait l'aumône auprès des hommes. Mais l'aumône n'a pas fait qu'il ne rentre plus là-bas. Lorsque Jésus lui demande, que veux-tu que je te fasse? Il ne demande pas l'aumône à Jésus. Il dit que je recouvre la vue. Bartimée a su quitter les prières de besoin pour les prières de transformation. Bartolomayo alitoka kwa ngazi la kuomba vitu na ingia kwa ngazi la kuomba mabadiliko. La nouvelle saison commence. Majira mapya yanaanza. Ça c'est très important frères et sœurs. La nouvelle saison commence. Majira mapya yanaanza. Lorsque nous apprenons à quitter les prières de besoin pour les prières de transformation. Wakati tunatoka kwa ngazi la kuomba vitu na kuanza kuomba mabadiliko. Il a su que l'aumône alijua kwamba msaada. C'est là que les gens m'aident encore. Itafanya kwamba watu wanisaidie kila si siku. Mais si j'ai la vue, lakini kama nina macho, j'aiderai plutôt les autres. Nitasaidia wengine. Apprendre à quitter les prières individuelles pour les prières générationnelles. Kujua kutoka kwa ngazi la maombi ya pekee na kuombea vizazi. La nouvelle saison, majira mapya, exige que nous quittions les prières de besoin pour les prières de transformation. Inaamrisha tutoke kwa maombi ya mahitaji tu na kuomba juu ya mabadiliko yetu. Il y a des saisons que vous n'allez jamais vivre dans kuna la majira hautafikia. Donc que vous ne venez qu'à Dieu, kabla ungali nakuja kwa Mungu, que pour vos besoins, kwa mahitaji tu, mais pas pour la transformation. Apana ili kwamba uishi mabadiliko. Bartimée ne dit pas à Jésus, Bartolomayo amwambia Yesu, donne-moi l'aumône. Nipatie msaada. Mais il dit que je recouvre la vue. Anasema nibadilishe nipate kuona. Il quitte les prières de besoin. Anatoka kwa ngazi la kuomba pour les prières de transformation. Anaanza kuombea mabadiliko yake. Frères et sœurs, kaka na dada, plusieurs personnes ont raté leur saison avec wengi Dieu. Hawakufikia majira yao. Ils n'ont pas pu découvrir lorsque les choses changeaient. Hawakujua. Lorsque les choses changeaient, wakati mambo yalibadilika, simplement sababu, parce qu'ils n'étaient pas transformés. Walikuwa bado hawajabadilishwa. Deux Rois chapitre 6. Wafalme wa pili sita. Un jour, il y a un problème entre l'armée de Syrie et l'armée d'Israël. Jeshi la Syria na jeshi la Israeli wanapigana. Et le problème se passe au niveau de l'armée de Syrie. Na shida inakuwa ndani ya kambi la Wasuria. Parce que tout ce qu'ils sont en train de prendre comme stratégie, sababu mbinu zote wanazochukua, ils finissent par être dénichés par les Israélites. Zinajulikana na wana wa Israeli. Et le roi de Syrie se fâche. Na mfalme wa Syria akasirika. Il appelle toutes ses troupes. Akaita majeshi yake. Et leur dit, est-ce que parmi vous il y a pas un espion? Akasema miongoni mwenu hakuna wapelelezi. Quelqu'un qui est en train d'aller livrer nos secrets. Mtu ambaye ako natoa siri zetu nje. Et quelqu'un dans son armée lui dit, na mtu mmoja akasema ndani ya jeshi lake, oh roi, mfalme, est-ce que tu ne sais pas qu'en Israël ils ont un prophète? Ojo kama Israeli wana nabii. Quelqu'un qui est en mesure de voir même ce que tu fais dans ta chambre. Mtu ambaye anaweza kuona hata yale ambayo unafanya ndani ya chumba lako. Et le roi dit, oh, allez m'amener cet homme. Na mfalme akasema, oh, muniletee huyo mtu. On envoie des chars, des chevaux. Wakachukua magari la allez prendre le prophète. Magari ili kwamba uende ku. Et c'est fait que le serviteur du prophète, Nabi, il va à l'extérieur. Mtumishi wa nabii anatoka nje. Dès qu'il arrive à l'extérieur, anapofika nje, il regarde la grande armée en train de venir. Anaona jeshi kubwa la Wasuria likija. Il rentre dans la maison. Akarudi ndani ya nyumba. Il dit prophète. Akasema nabii. C'est fini avec nous. Tunaisha. Qu'est-ce que nous allons faire? Tutafanya nini? Je ne sais pas ce qui nous attend. Sijui kinachotuchunga. Le prophète le regarde. Mtu wa Mungu akamwona. Il sourit. Akacheka. Savez, la connaissance de Dieu wakati unamjua Mungu vous donne d'être stable dans les instabilités. Inakusaidia utulie wakati ambapo mambo inaribika. Lorsque tu connais Dieu, wakati unamjua Mungu, ça te donne d'être stable dans les instabilités. Inakupa kutulia wakati mambo inaribika. Le prophète est stable. Nabii anatulia. Et puis il dit, je prie pour toi. Anasema nakuombea. Je prie que Dieu ouvre tes yeux afin que tu vois. Mungu afungue macho yako upate kuona. Remarquez, il ne lui a pas dit, je prie que Dieu te donne des yeux pour que tu vois. Une des mauvaises prières que nous faisons souvent, c'est d'aller vers Dieu, Seigneur, donne-moi des yeux spirituels, donne-moi des yeux spirituels. Les yeux spirituels, tu les as déjà. Mais il faut plutôt demander d'ouvrir tes yeux pour que tu vois. Et lorsque Dieu ouvre ses yeux, il voit de leur côté une grande armée. Que celle qu'il avait vue. Là, il a vu des chars, des militaires, des chevaux. Mais ici, il voit des chars, mais des chars de feu. Et il n'a plus eu peur. Plusieurs fois, nous voulons que Dieu ôte le problème de notre chemin. Alors que Dieu voudrait d'abord changer notre façon de voir. Souvenez-vous de ce jour-là dans la barque. Il y a une grande tempête qui se lève. Une très grande tempête. Les disciples commencent à pleurer. Ils se disent, qu'est-ce que nous allons faire? Ils réveillent Jésus. Jésus le regarde. Et dit, homme de peu de foi. Et puis il s'attaque à la tempête. Arrête-toi. Simama wewe. Vous allez voir, avant de calmer la tempête, kabla Yesu kusimamisha zoruba, Christ les a d'abord calmés dans la tempête. Yesu aliwatuliza kwanza ndani ya zoruba. Parce que t'es calmé dans la tempête. Et des fois important pour Dieu avant de te calmer dans ta tempête. Mungu kukutuliza ndani ya zoruba ni ya muhimu sana kushinda kutuliza zoruba. Un homme dans la Bible s'appelle Naaman. Mtu mmoja katika Biblia jina lake Naaman. Naaman était général syrien. Naaman alikuwa jemadari wa Syria. Général syrien. Jemadari wa jeshi la Syria. Mais il a un problème, il est lépreux. Lakini yeye ni mkoma. Et il y a une petite fillette dans sa maison. Na kuna msichana mdogo nyumbani mwake. Qui était sa servante. Ni mjakazi wake. Elle dit, mais Naaman, je connais un homme qui peut vous aider en Israël. Anasema Naaman anajua mtu ambaye anaweza kukusaidia Israeli. C'est un prophète. Yeye ni nabii. Naaman se décide. Naaman akaamua. Avec tout ce qu'il a comme grade. Pamoja na ma. De venir voir le prophète. Akwenda kumuona nabii. Mais pendant qu'il est en chemin, anapokwenda njiani, il se fait une idée de comment Dieu va agir. Akaanza kupanga jinsi Mungu atafanya. Il se dit, akajiambia, dès que je vais approcher la maison, wakati ndakaribia hiyo nyumba, le prophète sortira. Nabii atatoka nje. Il viendra me voir, atakuja niona, et il m'imposera les mains, ataniwekea mikono, et je serai guéri. Na nitapona. À sa grande surprise, kwake, dès qu'il approche la maison, anapokaribia nyumba, les serviteurs ne viennent même pas vers lui. Mtumishi wa Mungu akuje pembeni yake. Il demande plutôt à son serviteur, anaomba mtumishi wake, d'aller dire à cet homme, aende ambie huyo mtu, ne va même pas entrer dans la maison. Usiingie hata ndani ya nyumba yangu. De là où tu es, va, rentre, va te jeter dans l'eau. Mali uliposimamia hapo na uende ukajitupe ndani ya maji. Cette fois. Mara saba. Écoutez cet homme. Sikia huyu mtu. Tout ça, vous ne voyez pas les grades que j'ai. Amone mapeta nilizonazo. Est-ce que vous ne savez même pas que chez nous en Syrie, il y a de l'eau pure que cette eau ici? Amujua kwamba kwetu Suria pana maji iliyo safi kuliko maji yenu hapa. Et il se décide de rentrer. Na akamua anarudia. Pendant qu'il est en train de rentrer, anaporudi, il y a quelqu'un dans son armée. Mutu moja ndani ya jeshi lake général. Jemadari. General. Jemadari. Si on vous aurait demandé quelque chose de très difficile, vous allez le faire. Juste vous jeter dans l'eau cette fois. Et il se jette dans l'eau. Il est guéri. Vous savez, si Dieu allait guérir Naaman comme Naaman le voulait, Dieu n'allait pas le guérir de son plus grand problème qui était l'orgueil. Des fois, pour Dieu, le problème n'est pas de te donner ce que tu demandes là. Mara nyingi, shida ya Mungu, si kukupatia kila ambacho naomba. Mais Dieu voudrait d'abord traiter ton être intérieur, te transformer. D'abord. Mungu anapenda zaidi atunze uto wako wa ndani, akubadilishe. Écoutez, ce jour-là, lorsque le pain était multiplié, iyo siku wakati mikate ilizidishwa, les gens ont mangé, watu walikula, on a amené les paniers pour y mettre les restes. Walileta vikapo ili kwamba washane. Jésus n'a jamais fait appel au panier. Yesu hajaitaka vikapo ya mshania ndani. Mais lorsque le pain était multiplié, Les paniers sont venus de soi. La multiplication de pain amène toujours la multiplication de paniers, mais la multiplication de paniers n'amène pas toujours la multiplication de pain. Le panier symbolise l'extérieur. Alors que le pain symbolise l'intérieur. Dieu voudrait d'abord transformer notre être. Et plusieurs fois, frères et sœurs, il faut venir à Dieu. Pas simplement pour le besoin. Mais d'abord pour notre transformation. Parce que tu peux toi-même être un obstacle à ta propre visitation. Si ton cœur n'est pas transformé. Hier, on nous a parlé des destinées, des rencontres et des destinées, des gens que Dieu place dans notre chemin. Pour nous amener à un autre niveau. Mais si tu n'es pas transformé, tu peux voir quelqu'un le négliger par rapport à son présent, alors que c'est la personne dont tu as besoin pour t'amener là où Dieu est. Alors nous avons besoin de cette transformation intérieure. Là où nous dirons à Dieu, Seigneur, je veux cesser de marcher selon la vue. Mais marcher selon l'esprit. Pour ne pas rater ma visitation. C'est un verset dans la Bible. Psaume 103, verset 7. Zaburi 103, 107. Psaume 103, verset 7. Zaburi 103, 107. J'aimerais qu'on lise ça ensemble. Nahitaji tusome hiyo pamoja. Psaume 103, 7. On peut le lire, c'est déjà sur l'écran. Si vous avez vos bibles, vous allez lire dans vos bibles. On peut y aller, 1, 2, 3. Tusome pamoja. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres. Il a manifesté ses voies à Moïse. Alifunua njia zake kwa Musa. Et ses œuvres aux enfants d'Israël. Na matendo yake kwa wana wa Israeli. Aux enfants, qu'est-ce qu'on a manifesté? Kwa watoto wanaonesha nini? Les œuvres. Matendo. À Moïse, qu'est-ce qu'on a manifesté? Kwa Musa walifunua nini? Le voie. Njia. Frères et sœurs, cessons d'aller vers Dieu simplement pour avoir les œuvres. Tuache kumkaribia Mungu juu ya kuona mambo, matendo yake. Mais commençons à aller chercher Dieu pour que Dieu nous donne le voie qui conduise à ses œuvres. Tujifunze kumkaribia Mungu ili kwamba Mungu atufunulie njia zake. C'est lorsque vous connaissez le voie que vous pouvez aider les autres autour de vous. Ni wakati unajua njia za Mungu ndio utasaidia watu walio karibu nawe. La maturité, c'est lorsque vous allez dans la prière. Pas seulement pour demander à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'une nouvelle saison, Seigneur, une nouvelle saison. Mais où tu vas chercher Dieu pour que Dieu te donne le voie qui conduise à une nouvelle saison? Qu'est-ce que je dois encore faire pour voir ta gloire? Qu'est-ce que je dois encore faire pour marcher à ciel ouvert? Nitafanya nini ili kwamba nitembee chini ya mbingu iliyofunguliwa? Il a manifesté ses voies à Moïse. Alifunulia njia zake Musa. Et ses œuvres aux enfants d'Israël. Na matendo yake kwa wana wa Israeli. Et une des choses que Dieu m'a demandé de nous dire aujourd'hui. Na moja ya mambo Mungu ameniomba niseme jioni ya leo. Une des choses très utiles dont nous avons besoin. Moja ya mambo ya muhimu ambayo tunahitaji. Pour ne pas arriver à rater une nouvelle saison. Ili kwamba tusipoteze majira yetu mapya. Pour marcher dans une visitation à ciel ouvert. Ili kwamba tutembee chini ya mbingu iliyofunguliwa. C'est l'écoute de Dieu. Ni kujifunza kumsikia Mungu. Dis à celui qui est à tes côtés, écoute de Dieu. Sema nalie karibu yako kumsikia Mungu. Tu ne feras jamais de grandes choses avec Dieu. Huwezi kufanya makubwa na Mungu. Tant que tu n'as pas appris à développer l'écoute de Dieu. Kabla haujajifunza kumsikia. Nous sommes dans une génération tuko ndani ya kizazi où plusieurs croient que l'écoute de Dieu est simplement l'exclusivité de prophètes. Ambao watu wengi wanazani kumsikia Mungu ni wakati nabii anaanza tabiri. L'écoute de Dieu kumsikia Mungu n'est pas que réservé aux prophètes. Si tu kwa manabii. Souvenez-vous de ce que Christ a dit. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc la première condition pour développer l'écoute de Dieu, c'est être sa brebis. Ili kwamba ujifunze ujue kumsikia Mungu ya kubidi kuwa kondoo yake. Malheureusement, plusieurs chrétiens ont appris à développer l'écoute de Dieu. Ole ni kwamba wakristo wengi wamejifunza kusikia Mungu. Ils arrivent des fois à rater leur saison. Wengi awamsikie Mungu na wanapitisha kando majira yao. Et on va en prière pas pour que Dieu nous amène à développer notre écoute de lui. Tuombe ili kwamba Mungu tusaidie tujifunze kumsikia. Mais simplement pour qu'il nous donne des choses, pour qu'il fasse des choses pour nous. Wengi awaombe ili kwamba Mungu awasaidie kumsikia lakini ili kwamba wapate mambo. Frère, toutes les personnes que Dieu a utilisées puissamment dans la Bible. Watu wote ambao Mungu ametumia na nguvu maishani. Toutes les personnes que Dieu a utilisées puissamment dans ces temps actuels. Watu wote ambao Mungu ametumia na nguvu kwa wakati huu. Même dans l'histoire de l'église. Hata ndani ya historia ya kanisa. C'était des gens qui avaient développé leur écoute de Dieu. Ni watu ambao walijifunza kukomanda na ngazi la kumsikia Mungu. Et n'est pas arrivé à développer l'écoute de Dieu. Kama ukomalishe kujua kumsikia Mungu. Frères et sœurs, que nous rations notre saison. Itafanya kwamba tuweze kupita kando ya majira yetu. Toutes ces personnes que Dieu a puissamment utilisées. Wale watu wote ambao Mungu ametumia na nguvu. Par rapport à l'écoute de Dieu. Kulingana na kujua kumsikia Mungu. Premièrement, ils savaient lorsque Dieu leur parlait. Jambo la kwanza walijua wakati Mungu anaongea nao. Ils savaient lorsque Dieu leur parlait. Walijua wakati Mungu anapowaongelesha. Avec l'écoute de Dieu, le problème n'est pas toujours du côté de Dieu. Pamoja na kusikia Mungu shida si tu ngambo ya Mungu. Job 33:14. Ayubu 33:14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mungu anaongea kwa namna moja ama ingine. Et l'on n'y prend point garde. Na wengi awako wangalifu. Le problème de l'écoute de Dieu n'est pas au niveau de Dieu. Shida ya kumsikia Mungu si shida ya Mungu. Dieu parle plusieurs fois. Mungu anaongea mara nyingi. Mais le problème c'est à notre niveau. Lakini shida ni kwa ngazi letu wanadamu. Alors toutes ces personnes que Dieu a utilisées pour wote ambao Mungu ametumia na nguvu. Toutes ces personnes qui sont arrivées à marcher à ciel ouvert avec Dieu. Wote ambao wametembea chini ya mbingu iliyofunguliwa. C'était des gens qui savaient lorsque Dieu leur parlait. Ils savaient dire que ça, c'est Dieu qui me parle lorsqu'il me parle. Deuxième caractéristique de ces personnes, par rapport à l'écoute de Dieu, nous avons dit premièrement, ils savaient lorsque Dieu leur parlait. Deuxièmement, ils savaient ce que Dieu leur disait lorsqu'il leur parlait. Ils savaient lorsque Dieu leur parlait. Mais ils savaient ce que Dieu leur disait lorsqu'il leur parlait. Parce que une chose pour Dieu de te parler. Et une autre de comprendre ce que Dieu te disait exactement comme il te le disait lorsqu'il te parlait. Et troisièmement. Ils savaient ce qu'il faut faire avec ce que Dieu leur avait dit. Walijua nini wanapaswa fanya na yale ambayo Mungu amewaambia. Toutes les fois que Dieu parle. Kila mara Mungu anapoongea. Il parle avec et pour un but. Anaongea kwa ajili ya lengo fulani. Mais tu arriveras à rater des saisons. Lakini utapita kando ya majira. Si tu n'as pas appris à savoir pourquoi Dieu t'a dit ce qu'il t'a dit. Kama haukujua kuelewa hiyo ambayo Mungu amekwambia na ni kwa lengo gani. Alors frères et sœurs. Kaka na dada. Nous avons intérêt à développer notre écoute de Dieu. Tunayo faida ya kujifunza kumsikia Mungu. Et la question que quelqu'un peut poser. Na swali ambayo mtu anaweza kujipatia. Alors pourquoi est-ce important de développer l'écoute de Dieu? Kwa nini ni vema kujifunza kumsikia Mungu? En quoi est-ce que le développement de l'écoute de Dieu nous est important dans la saison et la visitation à ciel ouvert? Kuna faida gani katika kukomalisha kumsikia Mungu ndani ya majira? Et aujourd'hui, je vais simplement aborder une seule raison pour laquelle c'est pour nous important de développer. Na leo nitaongelea sababu moja inayokuwa ya inaonesha umuhimu ya kukomalisha kumsikia Mungu. Si vous pouvez donner un titre à cette raison là. Kama unaweza kupatia hiyo sababu jina. Écrivez le clé du royaume. Andika funguo za ufalme. Les clés du royaume. Funguo za ufalme. Nous avons vu dans Matthieu 16, ndani ya Mathayo 16, à partir du verset 13, Lorsque Jésus demande à ses disciples, qui est-ce que les gens disent que je suis moi le fils de l'homme? Et disent, les uns disent que tu es Élie, les autres Jérémie, les autres Jean-Baptiste, les autres l'un des prophètes. Et ils changent de question. Et pour vous alors, qui dites-vous que je suis? Et Pierre lui dit, tu es Christ le fils du Dieu vivant. Et lui dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais c'est une révélation qui est venue de mon Père. Et puis écoutez ce qu'il lui dit. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc je bâtirai mon église. C'est lorsque Pierre a dit à Jésus qui Jésus était que Jésus lui a dit qui il était. C'est lorsque Pierre a reçu la révélation de Christ que Christ lui a donné sa propre révélation. Tu n'arriveras jamais à te connaître sans d'abord connaître Dieu. Et puis après ça, il lui dit, je te donnerai les clés du royaume. Les clés du royaume. Frères et sœurs, dans le royaume des cieux, il y a ce qu'on appelle des clés du royaume. Remarquez, il ne lui a pas dit, je te donnerai la clé du royaume. Mais il lui dit, je te donnerai les clés du royaume. Chaque problème que nous rencontrons dans la vie a une clé qui correspond à la solution à ces problèmes. Vous savez, le problème, c'est quoi? Nous croyons que la seule clé dont nous avons besoin, c'est la prière. La seule clé du royaume dont nous avons besoin n'est pas que la prière. Souvenez-vous de cet homme, celui qu'on appelle le fils prodigue. Il est parti loin de son père. Il se décide qu'il est sur un mauvais chemin. Il prend conscience de l'état dans lequel il était. Et puis il s'est dit, je me lèverai. J'irai vers mon père. La Bible ne nous dit pas qu'il a prié. Et s'il a prié, il n'est pas resté qu'à la prière. Après avoir prié, il a pris l'action de s'élever et de partir. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour agir. Le problème, c'est quoi? Là où il faut prier, nous agissons. Et là où il faut agir, nous prions. Frères et sœurs, la prière n'est pas la seule clé du royaume dont nous avons besoin parmi l'état des clés du royaume. Vous pouvez avoir le même problème, mais la clé dont vous aurez besoin pour commencer une nouvelle saison dans vous. Lakini funguo ambao mnahitaji likoma mwanze majina mapya. Ne seront pas le même. Si funguo moja. Voilà pourquoi frères et sœurs, Dio mana kakada. Arrêtons de marcher par imitation mais marchons par révélation. Tuache kuishi tukiona mfano ya wengine, tutembee kulingana na ufunuo. Ce n'est pas parce que lui l'a fait ça a marché. Si kwa sababu huyo amefanya hivi vikatembea. Et Dieu sera forcément obligé de le faire pour toi. Na Mungu atafanya hivyo hivyo na wewe, hapana. Souvenez-vous de Jésus. Kumbukeni Yesu. On l'a amené beaucoup des gens. Même problème, tous aveugles. À la première personne, il les regarde. Il crache à terre. Il prend de la boue. Il prend sa salive, il l'applique sur ses yeux. Et il dit, va lave-toi aux eaux de Siloé. Souvenez-vous que c'est un aveugle. Il n'a personne pour le conduire. Mais on lui demande d'aller se laver aux eaux de Siloé. Comment il est arrivé là-bas? Lorsque c'est le chemin qui t'envoie, tu connaîtras le chemin. Lorsque c'est le chemin qui t'envoie, tu connaîtras le chemin. Mais pour un autre, il lui dit, ta foi t'a sauvé. Il est guéri. Pour un autre, il dit, va te montrer. Le sacrificateur. Pendant qu'ils sont en route, il est lépreux, il est guéri. Tous guéris, mais de différentes manières. Il applique plusieurs clés pour soi-même. Frère, je donne un exemple de la Bible. Un exemple biblique afin de nous aider à comprendre. Regardez ces deux personnes. Toutes avaient un même problème. Stérilité. Stérilité. Wanakuwa awazai. L'une s'appelait Anne, l'autre s'appelait Sarah. Moja ni Anna, mwingine ni Sarah. Sarah, pour avoir un enfant, qu'est-ce qu'elle a fait? Sarah ilikoma pate mtoto alifanya nini? Qu'est-ce qu'elle a fait? Alifanya nini? Qu'est-ce qu'elle a fait? Quelqu'un pour répondre? Kanisa, pana mtu anaweza kujibu alifanya nini? L'hospitalité. Alitenda mema. Elle donne de la nourriture aux visiteurs. Alipatia wageni chakula. On lui dit l'année prochaine. Moi que jayo. À une période comme celle-ci. Kwa muda kama huu. Tu auras un enfant. Wakamwambia utazaa. Anne. Anna. Pour avoir un enfant. Ilikuwa mpate mtoto. Qu'est-ce qu'elle a fait? Alifanya nini? Elle a fait quoi? Alifanya nini? Elle a prié. Aliomba. Mais la clé dont elle avait besoin, c'était pas la prière. Alitaji maombi. C'était pas la prière. Elle a d'ailleurs appliqué toutes les formes de prière. La prière à l'état solide, à l'état liquide, à l'état gazeux. La prière à l'état solide, c'est lorsque vous priez avec des paroles. Mais il est arrivé un temps, les paroles ne sortaient plus. La Bible dit que c'était les larmes qui sortaient. Et Psaume nous dit que Dieu entend même nos larmes. Les larmes, ce sont des prières à l'état liquide. Mais il est arrivé un temps où même les prières à l'état liquide, ça ne fonctionnait pas. Elles balbutiaient. Elles balbutiaient. La prière à l'état gazeux. Mais malgré ça, l'enfant ne venait toujours pas. L'enfant est venu quand? Lorsqu'elle a fait un vœu. La clé dont elle avait besoin, c'était le vœu. Si elle avait pu faire le vœu depuis longtemps, si elle avait fait le vœu depuis longtemps, Samuel serait déjà venu. Samuel angelikuja kazamani. Le problème de la clé n'est pas que la clé est mauvaise. Si kwamba funguo ni mbaya. La clé est bonne en soi. Funguo ni nzuri. Mais lorsque vous l'utilisez à la bonne porte. Ukitumikia, ukitumikisha kwa mulango la clé de là, si vous l'amenez ici. Mulango ya hapo kele ça ne va pas fonctionner. Ce n'est pas que la clé est mauvaise. Si kwamba funguo ni mbaya. Mais vous appliquez la bonne clé à la mauvaise porte. Lakini unatumia funguo nzuri kwa mulango mbaya. Et c'est la même chose dans le royaume. Na ni hivyo hivyo katika ufalme. Dans le royaume, il y a des clés du royaume. Ndani ya ufalme wa mbingu pana mafunguo. Tu ne te demandes pas pourquoi tu pries pour ce problème là, mais ça persiste toujours. Aujulize kwa nini unaombea shida hiyo lakini inadumu. Tu es en train d'appliquer la bonne clé à la mauvaise porte. Yawezekana uko unatumia funguo nzuri kwa mulango mbaya. Quelle fois la clé qu'il faut appliquer sur la prière. Kuna mara funguo njema ni maombi. Quelle fois la clé qu'il faut appliquer. Que ce n'est pas la prière. Juste une semence dans la vie de papa. Ça ouvre le porte. Que des fois c'est une retraite où tu es en train de manger. Ni kuna mara kwenda katika maombi kujifungia. Jeûne où tu manges. Unafunga na ukila. Mais tu dors simplement par terre. Lakini unalala tu chini. Ça déclenche des choses. Inaripusha mambo. Alors qu'est-ce qui nous aide à découvrir la clé dont nous avons besoin? Nini inatusaidia kugundua? Parmi l'état des clés du royaume. Miongoni mwa funguo mbalimbali. C'est ce qu'on appelle le discernement. Ni hiyo wanayoita kujua kutenganisha mambo. Dis avec moi discernement. Upambanuzi. Le problème de notre discernement, c'est quoi? Shida ya upambanuzi wetu ni gani? On a cru que le discernement ne se limite qu'au discernement des démons. Tumezana kwamba upambanuzi ni kutambua tu ini pepo. Ce n'est pas le seul aspect du discernement. Aiko njo picha moja ya hiyo karama. Première chose, jambo la kwanza. Dans le discernement, ndani ya upambanuzi, il y a ce qu'on appelle le discernement de la volonté de Dieu. Kuna kile wanaita upambanuzi wa matakwa ya Mungu. Romains 12, 2. Wa Roma 12, 2. Un verset que nous connaissons tous très bien. Verset ambao tunajua sote. Mais la plupart de fois, on regarde le premier passage, mais on ne voit pas la suite. Mara nyingi tunaona picha ya kwanza ya verse hiyo, atuone ya nyuma. Romains 12, 2, la Bible dit, Warumi 12:2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Musiwe kama kizazi cha leo. Mais soyez transformés par le renouvellement de mubadilishwe na akili mpya. Vous verrez au verset premier. Kwa verse ya kwanza. Il est en train de parler de l'importance d'être un culte agréable à Dieu. Wanaongelea jambo la kuwa ibada takatifu. Avant de nous parler de ne pas nous conformer au siècle présent. Kabla tusifanane kizazi iki. Écoutez ceci. Sikiliza. Chaque culture que vous retrouverez, kila mila ambayo utakuta, a toujours un culte derrière que vous ne voyez pas. Ina ibada nyuma usioona. C'est là qu'il leur dit. Pour ne pas vous conformer à la culture du monde. Je dois d'abord toucher votre culte. Soyez un culte agréable à Dieu. Cela que vous n'allez pas vous conformer à la culture du monde. Parce que chaque culture que vous rencontrez a un culte derrière que vous ne voyez pas. Là où vous arriverez, vous vous rencontrez que la culture c'est la corruption. Mali ambapo nakuta kwamba mila ni ukorofi. Derrière cette culture là, nyuma ya hiyo rushwa, il y a un culte. Les gens adorent l'argent que Dieu. Kuna ibada watu wanaabudu pesa kuliko Mungu. Alors pour changer la culture, il faut changer les cultes. Ili kwamba badilishe mila inabidi kubadilisha ibada. Et puis ne vous conformez pas au siècle présent. Kisha nasema msiwe kama kizazi hiki. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mubadilishwe na akili mpya. Mais le verset ne se limite pas là. Versa ishi. C'est-à-dire afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Un, ce qui est bon. Deux, ce qui est agréable. Trois, ce qui est parfait. Bref, il existe le discernement de la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu a trois dimensions. Le bon, l'agréable, le parfait. Vous savez, plusieurs fois, on croit que le problème du discernement de la volonté de Dieu, c'est un problème entre les bons et les mauvais. Des fois, ce n'est pas un problème entre les bons et les mauvais. C'est un problème du bon et du parfait. Ni jambo la nzuri na kamilifu. Mais ce n'est pas un péché. Si zambi. Est-ce que ce n'est pas parce que ce n'est pas un péché que je dois le faire? Si kwa sababu si zambi njo nitaifanya. Parce qu'il y a la volonté parfaite de Dieu. Kuna hiyo wanaita mapenzi kamilifu ya Mungu. Le bon. Nzuri, l'agréable, njema, le parfait, na kamilifu. Le discernement de la volonté de Dieu. Upambanuzi wa mapenzi ya Mungu. Combien de gens ils ont le temps d'aller en retraite, pas pour que Dieu vous donne le discernement des démons, mais le discernement de la volonté de Dieu. Marangapi wengi wanaomba ili kwamba Mungu asiwape uwezo wa kupambanua mapepo lakini kupambanua mapenzi yake Mungu. Afin que vous quittiez de marcher dans le bon pour le parfait. Kabla utoke ndani ya mambo mazuri na ufikie mambo makamilifu. Deuxième niveau de du discernement. Ngazi la pili la upambanuzi. Il y a ce qu'on appelle le discernement des signes de temps. Kupambanua alama za nyakati. Discernement des signes de temps. Alama za nyakati. Ou discernement de temps. Alama za nyakati. Écrivez Luc 12, 56. Luka 12, 52. Luc 12, 56. Luka 12, 52. Et Matthieu 16, 3. Matayo 16, 3. Je crois qu'on va lire juste Matthieu parce que ça parle tous la même chose. Matthieu 16, 3. Matayo 16, 3. On peut commencer à 2. Tunanzia kwa mbili. Alors, Jésus leur répondit. Yesu akawajibu. Le soir, vous dites, il fera beau. Jioni mnasema itakuwa vema. Car le ciel est rouge le matin. Sababu mbingu inakuwa nyekundu. Il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Kutakuwa mvua sababu mbingu inakuwa nyekundu. Et puis écoutez ce que Jésus dit. Sikia yombo Yesu anasema. Vous savez discerner l'aspect du ciel. Munajua ku et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Na amuwezi kupambanua alama za nyakati. Il existe ce qu'on appelle dans le discernement des signes de temps. Ndani ya upambanuzi kuna kujua kupambanua nyakati. Où on sait discerner que ça c'est une nouvelle saison pour. Unaweza kupambanua kwamba kutambua kwamba hii ni muda mpya. Ce jour-là David arrive. Hiyo siku Daudi anafika. Il retrouve quelqu'un qui est en train de faire peur à tout le peuple. Anakuta mtu ambaye ako natetemesha taifa nzima. Tous entendent la même chose. Wote wanasubiri kitu moja. Cet homme vient, il dit, s'il y a parmi vous un homme qui vienne vers moi, nous allons nous battre. Wanasema kama kuna mtu miongoni mwenu aje tupigane. Tous ils ont reculé. Wote wakarudi nyuma. Tous ont entendu la même chose. Wote walichunga kitu moja, walisikia kitu moja. Mais David regarde. Daudi akaona. Il dit, qui est cet incirconcis? Akasema huyo kafiri nani? Qui insulte le peuple de Dieu? Anaitukana taifa la Mungu. Qui est cet incirconcis? Huyo kafiri ni nani? Les autres voyaient un géant. Wengine waliona jitu. Alors que David voit un incirconcis. Daudi anaona mkafiri. David est le seul qui a utilisé un langage que personne n'a pu utiliser. Daudi ni mtu pekee aliyetumia maneno ambayo wengine wote hawakutumia. Savez le problème de David et ses autres ici c'était à quel niveau? Shida ya Daudi na wale wengine ilikuwa kwa kiasi gani? Tous voyaient Goliath d'en bas. Wote waliona Goliath wakiwa chini. D'en bas c'était un géant. Wanaona kwamba ni jitu. Mais David à cause de sa connaissance de Dieu, il voyait Goliath d'en haut. Daudi kwa ajili ya kumjua Mungu, alikuwa juu na akaona Goliath chini. Qui est cet incirconcis? Huyu mtu Et puis écoutez, il dit, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va tuer cette Kisha personne? Kauliza, nini watapatia mutu ambaye atamua? Comment toi tu vois quelqu'un à qui on va donner des choses? Namna gani unaona mutu? Dans tout ça. Alors que les autres, ils ont peur, ils sont en train de reculer. Wengine wanaogopa wako narudi nyuma. Le discernement de temps. Kujua kutafautisha nyakati. Regardez toutes ces personnes, ils ont rencontré des lions sur leur chemin. Wale watu wote waliokutana masimba njiani. Daniel, Danieli, David, Daudi et Samson. Samsoni. Lorsque Samson a rencontré le lion, qu'est-ce qu'il a Samsoni fait? Samson alipokutana na simba alifanya nini? Il a déchiré. Alichana. Et il a même eu le miel dans le lion. Na akapata tasali na lorsque David rencontre le lion, qu'est-ce qu'il fait? Daudi alipoikuta. Il est déchiré. Alichana. Lorsque Daniel rencontre le lion, qu'est-ce qu'il fait? Danieli alipokuta simba alifanya nini? Il ne fait rien. Akufanya kitu. Il s'est calmé. Akatulia. Parce que Dieu va se charger de fermer leur maana gueule. Mungu mwenyewe atafunga kinywa chake. Le discernement de temps. Est-ce qu'il te permet nyakati de savoir ce lion ici je le tue, ce lion ici je ne le tue pas parce que Dieu va fermer la gueule? Itakusaidia kujua hii simba ndayua hii nyingine ndatulia. Parce que c'est très dangereux d'être Daniel, tu commences à détruire, à déchirer le lion dans la fosse. Ni hatari wakati wewe ni Danieli katika tanuru uanze kupigana na simba. Les lions vont te manger. Simba zitakukula. Où tu es David? Kama wewe ni Daudi. Dieu va fermer les gueules de ces lions ici. Unajiambia Mungu mwenyewe atafunga kinywa ya simba. Mais qu'est-ce qui t'aide à savoir ça c'est une opportunité à saisir, ça ce n'est pas à saisir parce nini que Dieu inakusaidia kujua kwamba hii ni fursa ya kushika na hii si fursa ya kukamata. Le discernement de temps. Kujua kutafautisha kupambanua nyakati. Nous allons continuer avec le discernement demain. Tutaendelea kesho na mambo haya. Que Dieu nous bénisse pour Bwana tubariki. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour la prière? Tunaweza simama. J'aimerais que nous fassions une prière ce soir. Tutaomba mangaribi ya leo. Et nous allons dire à Dieu de nous transformer. Tutambia Mungu atubadilishe. Nous allons lui demander de ne pas d'abord ôter le problème. Atutamwambia kwanza aondoe mashida. Avant d'abord d'ôter le problème qui nous change d'abord. Kabla aondoe shida zetu atubadilishe. Amène-moi aux choses saintes. Le qui montre ta grandeur, le ciel à terre. Le ciel à terre suffisent pour décrire toute ta grandeur. Ouvre mes yeux que je voie. Ouvre mes yeux que je voie ton âme qui m'a. Que je cesse de croire. Que je cesse de croire à la table des illusions que. Nous le disons encore, ramène-moi, oh. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta gloire. Les cieux et la terre suffisent. Les cieux et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je vois. Ouvre mes yeux que je vois et ton âme. Que je cesse de croire. Que je cesse de croire à la table des illusions. Que j'affronte la vie de Dieu. Tu es plus grand. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Tellement grand que tout ce que l'on dit. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux en faire une prière? En bas. Y'a Dieu, donne-moi le discernement. Dis-lui, donne-moi le discernement. ta grandeur. Le ciel, la terre, suffisent pour décrire ta splendeur. Ouvre à mes yeux, je vois ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à l'état de diligence en cœur. J'apprends l'armée de bien-aimé, que tout ce qu'on dit de toi. Quelqu'un est béni ce soir. Non. Vous savez, les choses sérieuses, il faut les recevoir. On n'a pas besoin de s'agiter. J'aimerais que tu gardes une minute de silence et que tu récoltes rapidement ce que tu as reçu ce soir. Devant la face du Seigneur. Rapidement, un inventaire de ce que tu viens de gagner dans ta vie ce soir. Passe à revue ces grandes vérités que le Saint-Esprit a libérées sur ton cœur. Tizama kweli ambazo Roho ameongea na wewe moyoni. Je te donne un devoir. Lorsque tu arrives à la maison, reprends tes notes. Unapofika nyumbani chunguza vikartasi vyako. Et souligne ces vérités que le Saint-Esprit vient d'éclairer devant ton esprit et mêler en pratique. Prions ensemble. Dites Seigneur, merci pour la saison que tu as prévue pour moi durant cette cogèque. J'expose mon cœur et je me dispose à ton action. Saint-Esprit, me voici. Fais de moi ce que tu voudras. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais donner la parole à notre frère. Asseyons-nous un instant pour quelques communications avec les comités de la jeunesse. Shalom, peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que les jeunes sont là? Vigiana, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni dans la présence de Dieu? Amen, amen, amen. Alors nous sommes là juste pour donner quelques communications. De la même façon que tu as été béni aujourd'hui, c'est possible d'inviter encore quelqu'un demain. Alléluia. Amen. Nous sommes ensemble jusqu'au dimanche. Et nous rappelons que les activités continuent les avant-midi et les après-midi. Les avant-midi, c'est pour les ateliers de transformation que nous avons commencé depuis le lundi. Et déjà demain nous allons clôturer. Alors si tu as le temps, ne manque pas, parce que nous passons des moments merveilleux dans la présence de Dieu. Toujours dans les programmes des avant-midi, le jeudi et le vendredi, à partir des 10h juste, nous aurons des activités d'évangélisation. Alors nous sommes priés d'être ici à l'église déjà à partir des 10h pour quelques temps de prière et des orientations, et que par la suite nous puissions aller gagner des âmes pour Dieu. Amen, amen. Nous rappelons toujours que les activités des après-midi aussi continuent. Demain, après demain, toute la semaine, wiki mzima jusqu'au dimanche hadi siku ya Jumapili. Nous n'allons pas oublier de rappeler notre activité du dimanche, tusisahau mkutano wetu wa siku ya Mungu, le banquet que nous organisons, mkutano wa kufunzwa na kula, c'est en collaboration avec le département de couple que nous organisons. Ni pamoja na kamati inayoongoza wafunga ndoa. Ça sera à partir de 14h30 itakuwa kuanzia saa 8 za mchana à l'hôtel Bassin du Congo, à l'hôtel Congo Uni, kwenye hoteli Congo Uni. C'est du côté du restaurant Pili Pili, de ce côté-là. Ni kwenye taune uko. Alors si tu as besoin de ton billet, kama wahitaji tiketi yako, n'hésite pas à contacter les encadreurs de la jeunesse, waweza kuona viongozi wa vijana, mais aussi les responsables du département de couple. Vile vile kiongozi wa département ya wanandoa. Les billets c'est seulement à $10 par personne. Ticket ni dola 10 kwa mtu mmoja. Donc si vous serez en couple, il faudra prévoir $20 kama pour deux billets. Takuwa baba na mama inabidi dola 12. Amen, amen. Amen. Et la dernière communication c'est que nous avons encore des t-shirts disponibles pour la convention de la Pana projet. Panakuwa vile vile ma t-shirts za mkutano hii. C'est seulement à $6. Ni dola 6 tu. $6. Dola 6. Si tu as besoin de ça, kama wahitaji hiyo, tu pourras contacter les encadreurs de la jeunesse, unaweza kuona viongozi wa vijana, pour t'en procurer, ili kwamba uipate. Et Dieu sera en train de te bénir pour tout. Na Mungu atakuwa akikubariki kwa yote. Alors celui qui aura besoin de t-shirts ou des billets, n'hésitez pas à nous voir juste après la fin de ce culte. Yule ambaye atakuwa anahitaji ya t-shirts ama tickets anaweza kuja kutuona baadaye. Alors c'est juste ça les communications que nous avions de la part de la jeunesse. Juste contacter les encadreurs de la jeunesse. Tunaona viongozi wa vijana. Vous aurez les billets pour le banquier et aussi les t-shirts. Tutapata yale mambo yote. Alors c'est juste ça. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Bwana tubariki. Nous rappelons que nous sommes encore là demain. Tuko hapo tena kesho. N'hésitons pas à inviter plusieurs. Tusikose kualika watu. Pour que nous soyons bénis dans la présence de Dieu. Ili kwamba tubarikiwe ndani ya uwepo wa Mungu. Amen. Amen. Nous sommes à la fin de notre session de ce soir. Nous allons nous lever pour bénir le nom de Dieu. Merci beaucoup pour la jeunesse. Merci pour l'homme de Dieu. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur très fort. J'ai senti la présence de Dieu. Nous rappelons que notre frère, il y a l'un de nos frères de l'Union musicale. Le frère héritier Kabuyaya, qui a perdu son père depuis le lundi matin. Et demain, à 10h, c'est l'enterrement. C'est derrière la faculté de droit de l'ULPGL. Donc, trouvons le temps aussi d'accompagner notre frère pendant ce moment dur. Nous allons dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait. Dis Seigneur, touche-moi. Change mon histoire. Change ma personnalité. Toi qui veux m'amener dans une nouvelle saison. Mais tu veux que je sois d'abord une nouvelle saison. Avant que tu m'amènes dans une nouvelle saison. Un nouvel environnement. Mais tu veux que mon cœur change. Tu veux que mon regard change. Tu veux que ma personnalité change. Tu veux que certaines tuniques tombent. Tu veux Seigneur que certaines choses quittent ma vie. Qu'est-ce que j'ai porté longtemps tombe. Parce que tu me veux dans une nouvelle saison. Tu veux que je te fasse confiance. Parce que dans la nouvelle saison, je n'aurai pas besoin du passé. Je n'aurai pas besoin des habits passés. Je n'aurai pas besoin des amis d'hier. Mais j'aurai besoin de tes voix. Parce que sur tes voix, il y a la provision. Alléluia. Nous te célébrons, Yahweh. pour les révélations et les mystères de ta parole. Merci d'avoir utilisé puissamment ton serviteur. Merci pour la grâce qui rêvait cette saison. Merci pour les visitations qui sont déjà en cours. Avant même qu'on arrive dimanche, il y a des yeux qui seront ouverts. Il y a des cœurs qui seront affranchis. Il y a des tuniques qui vont tomber. Il y a des vies qui vont avoir une impactation. Merci Seigneur parce que tu les fais. Tu les fais déjà. Laisse que la grâce et la faveur, la provision Akiba de cette saison ya majira haya marche avec chacun de nous ya tembe na kila mmoja et nous accompagne na itusindikize sur notre chemin kwenye njia yetu le chemin njia de la visitation ya kutembelewa et de la saison na majira au nom de Jésus Christ jina la Yesu j'ai ainsi prié nimeomba je voudrais qu'on acclame le Seigneur tunamchapia bwana makofi acclamons le Seigneur tunamchapia bwana makofi.